Mon compagnon cependant semblait être dans la plus parfaite sécurité. Il me suivait en s'amusant à siffler, lui à pied, moi bien monté. La tentation était trop forte. Il me prit comme un vertige. Je piquai des deux, courus à pleine carrière un certain espace de chemin. Mais je n'emmenais pas mon ombre avec moi. Elle avait glissé sous celle de mon cheval lorsque celui-ci avait pris le galop et était retourné à son légitime propriétaire. Il me fallut honteusement tourner bride. L'homme en habit gris, lorsqu'il eut tranquillement achevé son air, se moqua de moi, rajusta mon image à la place qu'elle devait occuper, et m'apprit qu'elle ne me resterait attachée que lorsqu'elle serait redevenue ma propriété. Je vous tiens, continua-t-il, par votre ombre, et vous ne m'échapperez pas. Un homme riche comme vous a besoin de ce meuble, et vous n'avez que le tort de ne pas l'avoir senti plus tôt. Je poursuivis mon voyage dans la même direction, et toutes les commodités de la vie, ses superfluités, le luxe, la magnificence, revinrent insensiblement m'entourer. Muni d'une ombre bien que d'emprunt, je pouvais me mouvoir sans crainte et sans gêne. Je jouissais partout de ma liberté, et j'inspirais partout le respect que l'on doit à l'opulence. Mais j'avais la mort dans le cœur. Mon incompréhensible compagnon, qui partout se donnait lui-même pour le serviteur indigne de l'homme du monde le plus riche, était d'une complaisance sans bornes. Il remplissait en effet près de moi les fonctions de valet avec un empressement, une intelligence et une dextérité qui surpassaient toute idée. C'était le modèle accompli du valet de chambre d'un riche. Mais il ne me quittait pas, et ne cessait d'exercer sur moi son éloquence, affectant toujours la plus parfaite sécurité que je finirais, ne fût-ce que pour me débarrasser de lui, par conclure le marché qu'il m'avait proposé. Il m'était en effet aussi à charge qu'odieux. Il me faisait peur. Je m'étais placé moi-même dans sa dépendance. Il me tenait asservi depuis qu'il m'avait fait de nouveau jouer un rôle sur la scène du monde que je voulais fuir. Je ne pouvais plus lui imposer silence, et je sentais qu'au fond il avait raison. Il faut dans le monde qu'un riche ait une ombre, et si je voulais soutenir l'état qu'il m'avait insidieusement fait reprendre, il n'y avait qu'une issue à prévoir. Cependant, j'étais irrévocablement résolu, après avoir sacrifié mon amour et désenchanté ma vie, que pour toutes les ombres de la terre, je n'engagerais point mon âme, quel que pût être l'événement. Un jour, nous étions assis à l'entrée d'une caverne que les étrangers qui voyagent dans les montagnes ont coutume de visiter. La voix des torrents souterrains se fait entendre dans une profondeur immense, et les pierres que l'on jette dans le gouffre retentissent parfois dans leur chute, sans paraître en atteindre le fond. L'homme gris, selon sa coutume, me faisait avec une imagination prodigue et toute la magie des plus vives couleurs le tableau ravissant de tout ce que je pourrais effectuer dans ce monde au moyen de ma bourse, dès que j'aurais recouvré la propriété de mon ombre. Les coudes appuyés sur mes genoux, cachant mon visage dans mes deux mains, je prêtais l'oreille au corrupteur. Et mon cœur hésitait entre les attraits de la séduction et l'austérité de ma volonté. Je ne pouvais plus longtemps rester ainsi en guerre avec moi-même. J'engageais enfin un combat qui devait être décisif. Vous paraissez oublier, monsieur, que si je vous ai permis de m'accompagner jusqu'ici, ce n'a été qu'à certaines conditions et que je me suis réservé mon entière liberté. Dites un mot, répondit-il, et je ferai mon paquet. Cette sorte de menace lui était familière. Je gardai le silence. Il se mit en devoir de reployer mon ombre et de l'emporter. Je pâlis, mais je le laissai faire. Il acheva et un long silence suivit. Il reprit enfin la parole. Vous me haïssez, monsieur, je le sais. Mais pourquoi me haïssez-vous? Serait-ce pour m'avoir attaqué un voleur de grand chemin et vous être applaudi dans votre sagesse? De m'avoir dépouillé un moment de mon nid d'oiseau? Ou bien est-ce pour avoir voulu me voler, comme un filou, le bien que vous supposiez confier à votre seule probité, cette ombre que vous savez fort bien m'avoir vendue? Quant à moi, je ne vous en veux pas pour cela. Je trouve tout simple que vous cherchiez à user de tous vos avantages, ruse et violence, que d'ailleurs vous vous prêtiez les principes les plus sévères, et que dans votre esprit vous rêviez un beau idéal de délicatesse. C'est une fantaisie dont je ne m'offense pas. Je n'ai pas, en effet, une morale aussi austère que la vôtre, mais j'agis comme vous pensez. Dites-moi, par exemple, si je vous ai jamais pris à la gorge pour avoir votre belle âme, dont vous savez que j'ai envie. Si jamais je vous ai fait attaquer par quelqu'un de mes gens pour recouvrer ma bourse, ou si j'ai essayé d'ailleurs de vous en priver par quelques tours de passe-passe. Je n'avais rien à répondre, il poursuivit. C'est fort bien, monsieur, c'est fort bien. Vous le sauriez me souffrir. Je le conçois facilement, et je ne vous en fais point de reproche. Il faut nous séparer, cela est clair, et je vous avouerai que, de mon côté, je commence aussi à vous trouver infiniment ennuyeux. Or donc, pour vous soustraire définitivement et à jamais à l'humiliation de ma fâcheuse présence, je vous le conseille encore une fois, rachetez-moi cette ombre, tant regrettée. À ce prix, lui dis-je en lui présentant sa bourse. Non, telle fut sa laconique réponse. Je soupirai profondément et repris la parole. À la bonne heure, je n'en insiste pas moins sur notre séparation. Ne vous obstinez pas. Monsieur a me barré plus longtemps le chemin sur cette terre qui, je pense, est assez large pour tous deux. Il sourit et me répliqua. Je pars, monsieur, mais auparavant je veux vous apprendre à sonner votre valet très indigne, si jamais vous pouviez avoir besoin de lui. Vous n'avez pour cela qu'à secouer votre bourse. Le tintement de l'or éternel qu'elle renferme se fera partout entendre à mon oreille, et je serai toujours à vos ordres. Chacun pense à son profit dans ce monde. Vous voyez qu'en songeant au mien, je ne néglige pas vos intérêts. N'est-il pas évident que je remets aujourd'hui une nouvelle force à votre disposition? Oh, cette bourse! Tenez, quand les teignes auraient rongé votre ombre, cette bourse serait encore un lien solide entre nous. En un mot, vous me tenez par la bourse. Vous pouvez m'appeler quand il vous plaira, et disposer, en tout temps et en tout lieu, de votre très humble et très obéissant serviteur. Vous savez quel service je puis rendre à mes amis, et que surtout les riches sont bien dans mes papiers, vous l'avez vu. Mais pour votre ombre, monsieur, tenez-vous le pour dit. Vous savez le prix que j'y mets. J'ai l'honneur de vous saluer. En ce moment, d'anciens souvenirs se retracèrent inopinément à mon esprit. Je lui demandai avec vivacité. Aviez-vous une signature de monsieur John? Il répondit en souriant. Avec un ami tel que lui, je n'avais pas besoin d'écriture. Mais qu'est-il devenu? Où est-il à cette heure? M'écriai-je. Au nom de Dieu, je veux le savoir. Il mit en hésitant sa main droite dans sa poche et en tira par les cheveux le fantôme pâle et défiguré de Thomas John, dont les lèvres livides, s'entr'ouvrant avec peine, laissèrent échapper ces mots. Justo judicio dei judicatus sum. Justo judicio dei condemnatus sum. Je suis jugé par un juge justement de Dieu. Je suis condamné par un juste jugement de Dieu. Saisi d'horreur, je jetai précipitamment la bourse que je tenais dans le gouffre et m'écriai « Je t'en conjure au nom de Dieu misérable, éloigne-toi d'ici et ne reparais jamais devant mes yeux. » Il se leva aussitôt d'un air sombre et sinistre et disparut parmi les rochers qui formaient l'enceinte de ce lieu sauvage. Je me trouvai donc sans ombre et sans argent. Mais ma poitrine était soulagée du fardeau qui l'avait oppressé, et je respirais librement. Si je n'avais pas perdu mon amour, ou si dans cette perte je m'étais cru sans reproche, je crois que j'aurais été heureux. Cependant, je ne savais que faire, et j'ignorais ce que j'allais devenir. Je visitai d'abord mes poches, où je trouvais encore quelques pièces d'or. Je les comptai, et je me mis à rire. J'avais laissé mes chevaux dans la vallée, à l'auberge prochaine, mais j'avais honte d'y retourner. Au moins fallait-il pour cela attendre le coucher du soleil. Mais il était à peine à son midi. Je m'étendis à l'ombre d'un arbre et je m'endormis profondément. À travers le tissu diaphane d'un songe délicieux, je vis grouper autour de moi les plus riantes images. Je vis Mina, couronnée de fleurs, s'approcher, me sourire, se pencher vers moi et glisser comme sur les ailes du zéphyr. Le net Bendel, le front radieux, passa devant moi et me tendit la main. De nombreux groupes semblaient former dans le lointain des danses légères. Je reconnus plusieurs personnes. Je crus te reconnaître, toi-même, mon cher Aldebert. Une vive lumière éclairait le paysage. Cependant, personne n'avait d'ombre. Est-ce qu'il y avait de plus extraordinaire? C'est que cela n'avait rien de choquant. Des chants retentissaient sous des bosquets de palmiers. Tout respirait le bonheur. Je ne pouvais vivre toutes ces images furtives. Je ne pouvais même les comprendre. Mais leur vue me remplissait d'une douce émotion, et je sentais que ce rêve m'enchantait. J'aurais voulu qu'il durât toujours, et en effet, longtemps après m'être réveillé, je tenais encore les yeux fermés, comme pour en retenir l'impression dans mon âme. J'ouvris enfin les yeux. Le soleil était encore au ciel, mais du côté de l'Orient. J'avais dormi le reste du jour précédent et la nuit tout entière. Il me sembla que ce fut un avertissement de ne plus retourner à mon auberge. J'abandonnai sans regret tout ce que j'y possédais encore, et je résolus de suivre à pied le sentier qui, à travers de vastes forêts, serpentait sur les flancs de la montagne. Je m'abandonnai à mon destin, sans regarder en arrière, et je n'eus même pas la pensée de m'adresser à Bendel, que j'avais laissé riche, et sur lequel j'aurais pu compter dans ma détresse. Je me considérais sous le rapport du nouveau rôle que j'allais avoir à jouer. Mon habillement était très modeste. J'étais vêtu d'une vieille courte queue noire que j'avais portée jadis à Berlin et qui, je ne sais comment, m'était tombée sous la main le jour où j'avais quitté les bains. J'avais un bonnet de voyage sur la tête et une paire de vieilles bottes à mes pieds. Je me levai, coupai un bâton d'épines à la place même où j'étais, en mémoire de ce qui s'y était passé, et je me mis sur le champ en route. Je rencontrai dans la forêt un vieux paysan qui me salua cordialement. Je liai conversation avec lui, je m'informai, comme le fait un voyageur curieux et à pied, d'abord du chemin, ensuite de la contrée et de ses habitants, enfin des diverses productions de ces montagnes. Il répondit à toutes mes questions en bon villageois et avec détail. Nous arrivâmes au lit d'un torrent qui avait ravagé une assez vaste étendue de la forêt. Ce large espace, éclairé par le soleil, me fit frissonner intérieurement. Je laissai mon compagnon passer devant moi, mais il s'arrêta au milieu de cette dangereuse traversée et se retourna vers moi pour me raconter l'histoire et la date du débordement dont nous voyions les traces. Il s'aperçut bientôt de ce qui me manquait, et s'interrompant dans sa narration, « Comment donc ? » dit-il. « Monsieur d'un point d'ombre ?»« Hélas, non, » répondis-je en gémissant. « Je l'ai perdu, ainsi que mes cheveux et mes ongles, dans une longue et cruelle maladie. Voyez, brave homme, à mon âge, quels sont les cheveux qui me sont revenus. Ils sont tout blancs, mes ongles sont encore courts, et pour mon ombre, elle ne veut pas repousser. » Il secoua la tête en fronçant le sourcil et répéta. « point d'ombre, cela ne vaut rien. C'est une mauvaise maladie que monsieur a eue là. » Il ne reprit pas le récit qu'il avait interrompu, et il me quitta sans rien dire au premier carrefour qui se présenta. Mon cœur se gonfla de nouveau, de nouvelles larmes coulèrent le long de mes joues. C'en était fait de ma sérénité. Je poursuivis tristement ma route, mais je ne désirais désormais aucune société. Je me tenais tout le jour dans l'épaisseur des bois, et lorsque j'avais à traverser quelques lieux découverts, j'attendais qu'aucun regard ne put m'y surprendre. Je cherchais le soir, m'approchais des villages où je voulais passer la nuit. Je me dirigeais sur des mines situées dans ces montagnes où j'espérais obtenir du travail sous terre. Il fallait, dans ma situation présente, songer à ma subsistance. Il fallait surtout, et je l'avais clairement reconnu, chercher dans un travail forcé quelque relâche aux sinistres pensées qui dévoraient mon âme. Deux journées de marche, par un temps pluvieux, où je n'avais pas le soleil à craindre, m'avancèrent beaucoup sur ma route. Mais ce fut aux dépens de mes bottes, qui dataient du temps du comte Pierre, et n'avaient pas été faites pour voyager à pied dans les montagnes. Je marchais à pieds nus. Il fallait renouveler ma chaussure. Le matin du jour suivant, le ciel était encore couvert. J'entrai pour m'occuper de cette affaire importante dans un bourg où l'on tenait foire, et je m'arrêtai devant une boutique où des chaussures vieilles et neuves étaient étalées. Je marchandai une paire de bottes neuves qui me convenaient parfaitement, mais le prix exorbitant que l'on en demandait m'obligea d'y renoncer. Je me rabattis sur d'autres déjà portées qui paraissaient encore bonnes et très fortes. Je conclus le marché. Le jeune garçon qui tenait la boutique, et dont une longue chevelure blonde ombrageait la belle figure, me les remit entre mes mains, après en avoir reçu le paiement, et me souhaita d'un air gracieux un bon voyage. Je me chaussai de ma nouvelle emplette, et je sortis du bourg, dont la porte s'ouvrait du côté du nord. Absorbé dans mes pensées, je regardais à peine à mes pieds. Je songeais aux mines, où j'espérais arriver le soir même, et où je ne savais trop comment me présenter. Je n'avais pas encore fait 200 pas lorsque je m'aperçus que je n'étais plus dans le chemin. Je cherchai des yeux. Je me trouvai au milieu d'une antique forêt de sapins dont la cognée semblait n'avoir jamais approché. Je pénétrai plus avant. Je ne vis plus autour de moi que des rochers stériles, dont une mousse jaunâtre et aride revêtait la base, et dont les sommets étaient couronnés de glace et de neige. L'air était extrêmement froid. Je regardais derrière moi. La forêt avait disparu. Je fis encore quelques pas. Le silence de la mort m'environnait. Je me trouvais sur un champ de glace qui s'étendait à perte de vue autour de moi. L'air était épais. Le soleil se montrait sanglant à l'horizon. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Le froid qui me gelait me força à hâter ma marche. J'entendis le bruissement éloigné des flots. Encore un pas, et je fus au bord glacé d'un immense océan, et devant moi des troupeaux innombrables de phoques se précipitèrent en rugissant dans les eaux. Je voulus suivre cette rive. Je revis des rochers, des forêts de bouleaux et de sapins, des déserts. Je continuai un instant à courir. La chaleur devint étouffante. Je regardai autour de moi. J'étais au milieu de rizières et de riches cultures. Je m'assis sous l'ombre d'une plantation de mûriers. Je tirai ma montre. Il n'y avait pas un quart d'heure que j'étais sorti du bourg. Je croyais rêver. Je me mordis la langue pour m'éveiller, mais je ne dormais pas. Je fermai les yeux pour rassembler mes idées. Les syllabes d'un langage qui m'était tout à fait inconnu frappèrent mon oreille. Je levai les yeux. Deux Chinois, la coupe asiatique de leur visage, me forçaient d'ajouter foi à leur costume. Deux Chinois m'adressaient la parole avec les génuflexions usitées dans leur pays. Je me levai et reculai de 2 pas. Je ne les revis plus. Le paysage avait changé. Des bois avaient remplacé les rizières. Je considérai les arbres voisins. Je crus reconnaître des productions de l'Asie et des Indes orientales. Je voulus m'approcher d'un de ces arbres. Une jambe en avant, et tout avait encore changé. Alors je me mis à marcher à pas comptés, comme une recrue que l'on exerce, regardant avec admiration autour de moi. De fertiles plaines, de brûlants déserts de sable, des savanes, des forêts, des montagnes couvertes de neige se déroulaient successivement et rapidement à mes regards étonnés. Je n'en pouvais plus douter. J'avais à mes pieds des bottes de 7 lieues. Un vif et profond sentiment de piété me fit tomber à genoux, et des larmes de reconnaissance coulèrent de mes yeux. Un avenir nouveau se révélait à moi. J'allais dans le sein de la nature que j'avais toujours chérie, me dédommager de la société des hommes, dont j'étais exclu par ma faute. Toute la terre s'ouvrait devant mes yeux comme un jardin. L'étude allait être le mouvement et la force de ma vie, dont la science devenait le but. Je n'ai fait depuis ce jour que travailler avec zèle et persévérance à réaliser cette inspiration, et le degré auquel j'ai approché de l'idéal a constamment été la mesure de ma propre satisfaction. Je me levai aussitôt pour prendre d'un premier regard possession du vaste champ où je me préparais à moissonner. Je me trouvais sur le haut plateau de l'Asie, et le soleil, qui peu d'heures auparavant s'était levé pour moi, s'inclinait vers son couchant. Je devançai sa course en traversant l'Asie d'Orient en Occident. J'entrai en Afrique par l'isthme de Suez, et je parcourus en différents sens ce continent dont chaque partie excitait ma curiosité. Passant en revue les antiques monuments de l'Égypte, j'aperçus près de Thèbes, aux 100 portes, les grottes du désert qu'habitèrent autrefois de pieux solitaires, et je me dis aussitôt, ici sera ma demeure. Je choisis pour ma future habitation l'une des plus retirées, qui était à la fois spacieuse, commode et inaccessible aux chacals, et je poursuivis ma course. J'entrai en Europe par les colonnes d'Hercule, et après en avoir regardé les diverses provinces, je passai du nord de l'Asie sur les glaces polaires, et gagnai le Groenland et l'Amérique. Je parcourus les deux parties du Nouveau Monde, et l'hiver qui régnait dans le sud me fit promptement retourner du Cap Horn vers les tropiques. Je m'arrêtai jusqu'à ce que le jour se levât sur l'orient de l'Asie, et repris ma course après quelques repos. Je suivis du sud au nord des deux Amériques, la haute chaîne des montagnes qui en forme l'arête. Je marchai avec précaution d'un sommet à un autre sur des glaces éternelles et au milieu des feux que vomissaient les volcans. Souvent j'avais à peine à respirer. Je cherchai le détroit de Béring et repassai en Asie. J'en suivis la côte orientale dans toutes ses sinuosités, examinant avec attention quelles seraient celles des îles voisines qui pourraient m'être accessibles. De la presqu'île de Malacca, mes bottes me portèrent sur les îles jusqu'à celle de Lombok. Je m'efforçai, non sans m'exposer à de grands dangers, de me frayer au travers des roches et des écueils dont ces mers sont remplies, une route vers Bornéo et puis vers la Nouvelle-Hollande. Il fallut y renoncer. Je m'assis enfin sur le promontoire le plus avancé de l'île que j'avais pu atteindre, et tournant mes regards vers cette partie du monde qui m'était interdite, je me mis à pleurer, comme devant la grille d'un cachot, d'avoir sitôt rencontré les bornes qui m'étaient prescrites. En effet, la portion de la terre la plus nécessaire à l'intelligence de l'ensemble m'était fermée, et je voyais dès l'abord le fruit de mes travaux réduits à de simples fragments. Ô mon cher Aldebert, qu'est-ce donc que toute l'activité des hommes ? Souvent au fort de l'hiver austral, m'élançant du Cap Horn, bravant le froid, la mer et les tempêtes, je me suis risqué avec une audace téméraire sur des glaces flottantes, et j'ai cherché à m'ouvrir par le glacier polaire un passage vers la Nouvelle-Hollande, même sans m'inquiéter du retour. Et dû ce pays affreux se renfermer sur moi comme mon tombeau. Mais en vain, mes yeux n'ont point encore vu de la Nouvelle-Hollande. Après ces tentatives infructueuses, je revenais toujours au promontoire de Lombok, où, m'asseyant la face tournée vers le levant ou le midi, je pleurais mon impuissance. Enfin, je m'arrachai de ce lieu, et le cœur plein de tristesse, je rentrai dans l'intérieur de l'Asie. J'en parcourus les parties que je n'avais pas encore visitées, et je m'avançai vers l'Occident en devançant l'aurore. J'étais avant le jour dans la Thébaïde, à la grotte que j'avais marquée la veille pour mon habitation. Dès que j'eus pris quelque repos et que le jour éclaira l'Europe, je songeai à me procurer tout ce qui m'était nécessaire. D'abord, il fallut songer au moyen d'enrayer ma chaussure vagabonde, car j'avais éprouvé combien il était incommode d'être obligé de l'ôter chaque fois que je voulais raccourcir le pas ou examiner à loisir quelque objet voisin. Des pantoufles que je mettais par-dessus mes bottes produisirent exactement l'effet que je m'en étais promis, et je m'accoutumai plus tard à en avoir toujours deux paires sur moi, parce qu'il m'arrivait souvent d'en jeter une, sans avoir le temps de la ramasser, quand des lions, des hommes ou des ours m'interrompaient dans mes travaux et me forçaient à fuir. Ma montre, qui était excellente, pouvait dans mes courses rapides me servir de chronomètre. J'avais encore besoin d'un sextant, de quelques instruments de physique et de quelques livres. Je fis pour acquérir tout cela quelques courses dangereuses à Paris et à Londres. Un ciel couvert me favorisa. Quand le reste de mon or fut épuisé, j'apportai en paiement les dents d'éléphant que j'allais chercher dans les déserts de l'Afrique. Choisissant celle dont le poids n'excédait pas mes forces, je fus bientôt pourvu de tout ce qu'il me fallait, et je commençai mon nouveau genre de vie. Je parcourais incessamment la terre en mesurant les hauteurs, en interrogeant les sources, en étudiant l'atmosphère. Tantôt j'observais les animaux, tantôt je recueillais des plantes ou des échantillons de roches. Je courais des tropiques au pôle, d'un continent à l'autre, répétant ou variant mes expériences, rapprochant les productions des régions les plus éloignées, et jamais ne me lassant de comparer. Les œufs des autruches de l'Afrique et ceux des oiseaux de mer des côtes du Nord formaient, avec les fruits des tropiques, ma nourriture accoutumée. La nicotiane adoucissait mon sort, et l'amour de mon fidèle Barbet remplaçait pour moi les doux liens auxquels je ne pouvais plus prétendre. Quand chargé de nouveaux trésors, je revenais vers ma demeure, ses bons joyeux et ses caresses me faisaient encore doucement sentir que je n'étais pas seul dans le monde. Il fallait l'aventure que je vais raconter pour me rejeter parmi les hommes. Un jour, que sur les côtes de Norvège mes pantoufles à mes pieds je recueillais des lichens et des algues, je rencontrai au détour d'une falaise un ours blanc, qui se mit en devoir de m'attaquer. Je voulus, pour l'éviter, jeter mes pantoufles et passer sur une île éloignée, qu'une pointe de rocher à fleur d'eau, s'élevant dans l'intervalle, me donnait la facilité d'atteindre. Je plaçai bien le pied droit sur ce récif, mais je me précipitai de l'autre côté dans la mer, parce que ma pantoufle gauche était, par mégarde, restée à mon pied. Le froid excessif de l'eau me saisit, et j'eus à peine à me sauver. Dès que j'eus gagné terre, je courus au plus vite vers les déserts de la Libye, pour m'y sécher au soleil. Mais ces rayons brûlants auxquels je m'étais inconsidérément exposé m'incommodèrent en me donnant à plomb sur la tête. Je me rejetai d'un pas mal assuré vers le nord, puis cherchant par un exercice violent à me procurer quelque soulagement, je me mis à courir de toutes mes forces d'Orient en Occident et d'Occident en Orient. Je passai incessamment du jour à la nuit et de la nuit au jour, et chancelai du nord au sud et du sud au nord à travers tous les climats divers. Je ne sais combien de temps je roulais ainsi d'un côté du monde à l'autre. Une fièvre ardente embrasait mon sang. Je sentais avec la plus extrême anxiété mes forces et ma raison m'abandonner. Le malheur voulut encore que dans cette course désordonnée, je marchasse sur le pied de quelqu'un, à qui sans doute je fis mal. Je me sentis frappé, je tombai à terre et je perdis connaissance. J'étais, lorsque je revins à moi, mollement couché dans un bon lit, qui se trouvait au milieu de plusieurs autres, dans une salle vaste et d'une extrême propreté. Une personne était à mon chevet, d'autres se promenaient dans la salle, allant d'un lit à l'autre. Elles vinrent au milieu et s'entretinrent d'un moi. Elles ne me nommaient que numéro 12, et cependant sur une table de marbre, noire, fixé au mur en face de moi, était écrit bien distinctement mon nom, Peter Schlemihl, en grosses lettres d'or. Je ne me trompais pas, ce n'était pas une illusion, j'en comptais toutes les lettres. Au-dessous de mon nom étaient encore deux lignes d'écriture, mais les caractères en étaient plus fins et j'étais encore trop faible pour les assembler. Je refermai les yeux. J'entendis prononcer distinctement et à voix haute un discours dans lequel il était question de Peter Schlemihl, mais je n'en pouvais pas encore saisir le sens. Je vis un homme d'une figure affable et une très belle femme vêtue de noir s'approcher de mon lit. Leur physionomie ne m'était point étrangère, cependant je ne pouvais pas encore les reconnaître. Je repris des forces peu à peu. Je m'appelais numéro 12, et numéro 12 passait pour un juif à cause de sa longue barbe, mais n'en était pas pour cela traité avec moins de soin. On paraissait ignorer qu'il eût perdu son ombre. On conservait, me dit-on, mes bottes avec le reste des effets trouvés sur moi à mon entrée dans la maison, pour m'être scrupuleusement restitué à ma sortie. Cette maison où l'on me soignait dans ma maladie s'appelait Schlemihlium. Ce que j'entendis réciter tous les jours était une exhortation à prier Dieu pour Peter Schlemihl, fondateur et bienfaiteur de l'établissement. L'homme affable que j'avais vu près de mon lit était Bendel, La dame en deuil était Mina. Je me rétablis dans le Schlebilium sans être reconnu et je reçus différentes informations. J'étais dans la ville natale de Bendel, où, du reste de cet or, jadis maudit, il avait fondé sous mon nom cet hospice, dans lequel un grand nombre d'infortunés me bénissaient chaque jour. Il surveillait lui-même ce charitable établissement. Pour Mina, elle était veuve. Un malheureux procès criminel avait coûté la vie à M. Rascal, et absorbé en même temps la plus grande partie de sa dot. Ses parents n'étaient plus, et elle vivait dans ce pays retiré du monde, et pratiquant les œuvres de miséricorde et de charité. Elle s'entretenait un jour avec M. Mendel près du numéro 12. « Pourquoi donc, madame, lui dit-il, venez-vous si souvent vous exposer à l'air dangereux qui règne ici? Votre sort est-il donc si amer que vous cherchiez la mort? Non, mon respectable ami, rendu à moi-même, depuis que mes songes se sont dissipés, je suis satisfaite, et ne souhaite ni ne crains plus la mort. Je contemple avec une égale sérénité le passé et l'avenir. Et ne goûtez-vous pas vous-même une secrète félicité à servir aussi pieusement que vous le faites votre ancien maître et votre ami? Oui, madame, grâce à Dieu. Quelle a été notre destinée? Nous avons inconsidérément, et sans y réfléchir, épuisé toutes les joies et toutes les douleurs de la vie. La coupe est vide aujourd'hui. Il semblerait que le seul fruit que nous ayons recueilli de l'existence fut la prudence qu'il nous eût été utile d'avoir pour en fournir la carrière. Et l'on serait tenté d'attendre qu'après cette instructive répétition, la scène véritable se rouvrît devant nous. Cependant, une tout autre scène nous appelle, et nous ne regrettons pas les illusions qui nous ont trompés, dont nous avons joui, et dont le souvenir nous est encore cher. J'ose espérer que, comme nous, notre vieil ami est aujourd'hui plus heureux qu'il ne l'était alors. « Je trouve en moi la même confiance, répondit la belle veuve, et tous deux passèrent devant mon lit et s'éloignèrent. Cet entretien m'avait profondément affecté, et je balançais en moi-même si je me ferais connaître ou si je partirais inconnu. Ensuite, je me décidai. Je me fis donner du papier et un crayon, et je traçai ces mots. « Votre vieil ami est ainsi que vous, plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était alors. Et s'il expie sa faute, c'est après s'être réconcilié. » Puis je demandai, me trouvant assez fort, à me lever. On me donna la clé d'une petite armoire qui était au chevet de mon lit. J'y retrouvai tout ce qui m'appartenait. Je m'habillai. Je suspendis par-dessus ma corde-queue noire ma boîte à botaniser, dans laquelle je retrouvai, avec plaisir, les lichens que j'avais recueillis sur les côtes de Norvège le jour de mon accident. Je mis mes bottes, plaçai sur mon lit le billet que j'avais préparé, et dès que les portes s'ouvrirent, j'étais loin du Schlebilium, sur le chemin de la Thébaïde. Comme je suivais le long des côtes de la Syrie, la route que j'avais tenue la dernière fois que je m'étais éloigné de ma demeure, j'aperçus mon barbet, mon fidèle Figaro, qui venait au-devant de moi. Excellent animal, semblait chercher, en suivant mes traces, un maître qu'en sans doute il avait longtemps attendu en vain. Je m'arrêtai, je l'appelai, et il courut à moi en aboyant et en me donnant mille témoignages touchants de sa joie. Je le pris dans mes bras, car assurément il ne pouvait suivre, et je le portai jusque dans ma cellule. Je revis ce séjour avec une joie difficile à exprimer. J'y retrouvai tout en ordre, et je repris petit à petit, et à mesure que je recouvrais mes forces, mes occupations accoutumées et mon ancien genre de vie. Mais le froid des pôles ou des hivers des zones tempérées me fut longtemps insupportable. Mon existence, mon cher Aldebert, est encore aujourd'hui la même. Mes bottes ne s'usent point, elles ne perdent rien de leur vertu. Quoique la savante édition que Titius nous a donnée de Rebus Gestis Policili me l'ait d'abord fait craindre. Moi seul, je m'use avec l'âge, mais j'ai du moins la consolation d'employer ces forces que je sens décliner à poursuivre avec persévérance le but que je me suis proposé. Tant que mes bottes m'ont porté, j'ai étudié notre globe, sa forme, sa température, ses montagnes, les variations de son atmosphère, sa force magnétique, les genres et les espèces des êtres organisés qui l'habitent. J'ai déposé les faits avec ordre et clarté dans plusieurs ouvrages, et j'ai noté en passant sur quelques feuilles volantes les résultats auxquels ils m'ont conduit et les conjectures qui se sont offertes à mon imagination. Je prendrai soin qu'avant ma mort, mes manuscrits soient remis à l'université de Berlin. Enfin, mon cher Aldebert, c'est toi que j'ai choisi pour dépositaire de ma merveilleuse histoire, dans laquelle, lorsque j'aurai disparu de dessus la terre, plusieurs de ses habitants pourront trouver encore d'utiles leçons. Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer d'abord l'ombre, ensuite l'argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu'à la noblesse de ton être, tu n'as besoin d'aucun conseil.